Et bonjour tout le monde, bonjour Charline. Bonjour à toutes et à tous et coucou Tony. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va bien, petite semaine estivale, grand soleil, moi il m'en faut pas plus pour être heureuse, hein. J'avoue, moi je rentre de vacances donc ça va aussi. Allez là. Alors, on a fait les quatre éléments. C'était une très bonne session d'épisode. On a un peu brassé plein d'énergie. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait. Voilà, on a fait de l'énergie, on a fait de l'énergie. Maintenant, il faudrait peut-être aussi de temps en temps nettoyer les énergies. Alors aujourd'hui, l'épisode, ce sera comment on peut faire du nettoyage. Et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. C'est ça, parce qu'on vous a bien expliqué comment utiliser chaque élément pour vous y connecter, pour vous recharger, pour créer votre propre magie. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter l'outil nettoyage énergétique. On a essayé de vous recenser les outils que nous, on utilise et qui s'utilisent dans l'absolu. Et on voudrait aussi vous les décliner à chaque fois pour que vous compreniez comment vous en servir pour le nettoyage de vos propres énergies ou des énergies d'un lieu. Alors le lieu, soit le lieu où vous pratiquez, soit bah, votre chez vous, hein, tout simplement, il a le droit à son petit nettoyage énergétique aussi de temps en temps. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Tony Grimoire. Et de mon côté, c'est les énergies de Charline. Si vous aimez notre contenu, et même si vous ne l'aimez pas, en fait, ça vous coûte rien. Donc, Oui. n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, s'il vous plaît. Nous, on prend les likes, même hypocrites, on les prend. Première question qu'on va vous poser. Pourquoi nettoyer et quand nettoyer déjà? Le nettoyage énergétique, c'est parce que vos lieux et vous-même, vous vous chargez des énergies qui vous entourent, des énergies que vous croisez dans la journée. Une partie des énergies que vous croisez dans la journée, vous les ramenez chez vous. Et puis, bah, puisque vous vivez chez vous, vous émettez des énergies en continu. Et c'est ça qui, à la longue, nécessite un petit nettoyage, c'est de libérer notamment les basses fréquences pour avoir un chez vous qui vous porte, qui vous soutient, qui vous fait du bien. Ça peut devenir un lieu de ressources, le chez vous. T'es dans une nouvelle maison, première chose que tu vas faire en général, c'est la nettoyer. Oui. Donc voilà, c'est pareil, énergétiquement, vous pouvez le faire. Après, dans la vraie vie aussi, quand est-ce que vous nettoyez votre sol? Bah, quand vous l'avez taché, par exemple, ou vous le faites régulièrement, ou vous avez fait tomber un truc, bah voilà, c'est la même chose. Il peut se passer quelque chose qui, énergétiquement, peut être pesant dans votre maison. Par exemple, tu t'engueules avec ton mec, tu ramènes, ouais, comme tu dis, les problèmes du travail, il y a quelque chose comme ça qui peut rester, qui peut stagner, puis voilà, de temps en temps, juste faire recirculer l'air, faire recirculer les énergies, bah, c'est un bon moyen, comme tu disais, de rebooster et de redonner une nouvelle dynamique. C'est exactement ça. Si vous identifiez une situation, voilà, un peu lourde, une ambiance qui a un peu pesé chez vous, je sais pas, un dîner de famille qui a tourné un peu au vinaigre, c'est aussi une bonne perspective de nettoyage. Et puis ça peut être aussi quand vous commencez à percevoir des signes de peut-être pas mal-être, mais pas tout à fait bien-être non plus chez vous, un sommeil un peu agité. Vous rentrez, vous n'avez pas hyper, vous n'êtes pas hyper pressé de rentrer chez vous après le travail, c'est que quelque chose dans vos énergies vous traduit que vous n'êtes pas pleinement en zone de confort chez vous. Donc c'est souvent qu'il s'y est déposé des énergies qui plombent un peu les vôtres et vous commencez à le sentir. Le premier truc que vous pouvez tester avant ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est grand courant d'air chez vous pour Ouais. refaire circuler. On le faisait beaucoup plus dans le temps, Oui. dirons-nous, mais vraiment aérer le logement, c'est à la fois pour purifier l'air et c'est vraiment pour refaire circuler les énergies et faire sortir dehors ce qui n'a pas à rester dedans. Ouais, je trouve qu'il y a un autre signe aussi qui peut être intéressant, c'est quand tu as l'impression dans ta vie de stagner. Ouais, ce truc Oui, que un peu marasme. tu T'es là vois que t'es genre. plombé, quoi. Et je trouve que c'est un bon truc, spontanément, on le sait en plus des fois, genre, nous on a travaillé en paillasse, mais même quand on travaille en bureau, quand tu ranges ton bureau physiquement, eh ben après ça te redonne envie de travailler. Ben, c'est pareil pour la maison. Ranger chez soi de manière physique, mais aussi incorporer du nettoyage énergétique, serait vraiment un bon point de départ, je dirais. On a donc un peu dans ce thème du nettoyage énergétique deux objectifs. Tu as l'objectif nettoyage de toi, de ton corps donc et de tes énergies physiques. Et quand je dis tes énergies, ça peut être aussi un nettoyage pour quelqu'un d'autre, mais un Oui, nettoyage évidemment. physique, énergétique, mais de la personne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, un nettoyage du lieu. Est-ce qu'on va approcher ces deux nettoyages de manière si différente que cela? Globalement, ce sont les mêmes outils, c'est juste que dans la forme, il va y avoir des usages bah, qui vont correspondre à l'utilisation que vous en faites. mais de façon très générale, mêmes outils pour même pratique. Et après, c'est de la subtilité de comment on l'utilise pour soi, pour le corps, et comment on l'utilise pour un lieu. Tu vas favoriser in fine un outil plutôt qu'un autre parce que dans la praticité, c'est celui-là qui sera le plus simple pour toi. Mais c'est pas pour autant que d'autres techniques ne s'utilisent pas. C'est juste que techniquement, tu auras trouvé celui qui te correspond pour tel nettoyage énergétique. Savoir pourquoi on fait les choses et dans quel objectif te permettra d'utiliser un outil peut-être plus adapté qu'un autre. Exactement, et c'est pour ça qu'on a pensé à cet épisode de podcast pour vous donner un petit peu tous les outils ensemble. Ça vous permet déjà de piocher instinctivement ce qui vous parle le plus, aussi de piocher bah, par rapport à ce que vous ressentez avoir besoin de faire. Vous allez tout de suite identifier ce qui correspond le mieux à cette intention. Et puis bah, après, ça vous donne un panel d'outils avec des usages plus ou moins pratiques, des intentions et donc des intensités de nettoyage aussi assez variables. Et dedans, bah, après, vous avez une boîte à outils nettoyage énergétique prête à l'emploi. Moi, si je te dis nettoyage énergétique, le premier qui te vient à l'esprit, c'est quoi? Je pense que le premier auquel je pense, c'est le gros sel. Comme c'est un que j'utilise particulièrement pour le nettoyage des pierres, forcément, c'est celui qui me vient en premier à l'esprit pour le nettoyage énergétique tout court. Mettre une poignée de gros sel marin dans votre bain, ça, c'est un premier outil de nettoyage énergétique de vos énergies très efficace. Donc, le gros sel, c'est vraiment une pouvoir de captation des énergies basses, des énergies qu'on dit négatives, mais qui sont bon, pas négatives en elles-mêmes, mais parce que basses. Et on s'en sert aussi du gros sel pour le nettoyage d'une pièce. Et dans ce cas-là, la pratique courante, ou la plus courante en tout cas, c'est de déposer une coupelle de gros sel à chaque coin de la pièce que vous voulez nettoyer. Vous la laissez poser, je ne sais pas, une nuit, 24 heures, et puis après, vous dégagez ce gros sel dehors. Bah écoute, moi c'est marrant parce que tu me parles nettoyage énergétique. Le premier qui me viendrait, ce serait plutôt moi la fumigation. On en a parlé, hein, mais c'est beaucoup le romarin que je vais utiliser. J'en ai chez moi, donc j'utilise bien ça, histoire de un peu dégager les énergies, nettoyer. Je trouve que le romarin apporte quelque chose tout de suite de positif, de clairvoyant, de net, une belle énergie en plus, là où d'autres herbes de fumigation vont apporter un autre sentiment. Par exemple, je sais que beaucoup utilisent la sauge blanche. La sauge blanche, elle a été utilisée, c'était plus, tu nettoyais tout, tu faisais un vide un peu dans ta pièce, donc tu vidais toutes les Oui. énergies, et c'était pour commencer un rituel que des fois tu faisais ça, plus que dans un but de juste purification, c'était vraiment dans l'idée de on nettoie tout pour amplifier ce qui vient derrière. Bah, Voilà. comme la sauge, elle a vraiment été démocratisée, je sais pas par qui, par quoi, mais c'est vrai que pour une plante qui n'est pas a priori de chez nous, et donc du coup qui n'est pas celle traditionnellement utilisée, en tout cas en France, pour la Ouais. purification. Elle a pris beaucoup de place. Son usage n'est pas néfaste, mais c'est Non. vrai qu'il a plutôt une vertu à créer un vide qu'il s'agirait de remplir. Alors que je te rejoins sur le romarin, il purifie les énergies, c'est une certitude. De toute façon, le romarin, c'est un purifiant tout court Ouais. hein, comme plante. Mais il a vraiment cette vertu de réénergiser avec des énergies vibrante, positive, l'espace dans lequel on est en train de faire la fumigation. Donc l'avantage aussi quand on est très débutant finalement avec la pratique des énergies, c'est que pour moi l'utilisation du romarin est d'autant plus adaptée qu'il va faire le boulot de Oui. nettoyage et de recharge de l'espace qu'on est en train de purifier. Là où la sauge a quand même plutôt tendance à vraiment tout chasser, tout vider. Mais ça sous-tend aussi qu'on ait les capacités, ou la conscience en tout cas, de recharger derrière avec Ouais. d'autres énergies. Parce que sinon, par défaut, le vide, il va se combler, mais on ne sait pas forcément avec quoi si on n'a pas posé une conscience de ce qu'on met comme énergie à la place du rien qu'on vient de chasser, quoi. Ouais, je me dis, tu vois, j'utiliserais peut-être la sauge. J'en ai moi des fagots de sauge. Je les utiliserais peut-être, par exemple, je fais une séance, je sais pas, quelque chose de peut-être un peu plus puissant, un peu plus genre médiumnique, mais genre après, tu vois, genre pour nettoyer la baraque, après ça, histoire de tout nettoyer. Là, j'utiliserais peut-être quelque chose de très fort Oui. comme de la sauge, et ensuite je réénergiserais le lieu à ma façon. Mais je peux comprendre qu'on l'utilise pour un projet qui a été très intense. Oui, moi ça m'arrive hein, d'utiliser la sauge, même bah, dans ma pièce de soins, où mine de rien, c'est pas la première plante que j'utilise, mais une fois de temps en temps, c'est un petit peu la plante Karcher, ce truc où vraiment, je sais que là, ça désingue tout, ça élimine tout, ça me fait ce vide, cette espèce de reset énergétique totale, où là après, avec mes pratiques énergétiques, je re-remplis la pièce avec ce que je veux. Donc c'est pas mauvais, mais il faut avoir conscience que si on vire tout, il faut prendre le temps de mettre quelque chose derrière quand même. Il y a d'autres plantes qu'on peut utiliser. Il y a le palo santo aussi. Alors j'utilise de moins en moins le palo parce que je sais que c'est un peu compliqué au niveau écologique. J'utiliserais moins en nettoyage, plus en recirculation des énergies. Et toi ? En fait, je l'allume avant une séance dans une pièce qui est déjà purifiée. C'est là où je te dis que je ne crois pas m'en servir comme purifiant parce que je suis déjà dans une pièce purifiée, préparée énergétiquement. Et c'est vraiment, je fais le tour de la pièce... un rond, et ça me donne vraiment cette idée d'une bulle toute douce avec le Palo Santo. Mon petit bâton de Palo Santo a 5 ans, donc c'est dire que je l'utilise peu et juste, une fois de temps en temps, quand je veux créer cette petite chose de douceur, là, il m'appelle à ce moment-là. Nous avons parlé un petit peu de l'eau via le bain. On peut utiliser justement l'eau de manière autre. Pour le nettoyage. En plus, ça fait très sens, nettoyage, quand on parle nettoyer du linge, on pense souvent à l'eau. Bah oui, on a quand même ce réflexe eau égale laver, ce soit pour prendre sa douche ou pour laver le sol, globalement, on va avoir de l'eau. Donc l'eau, parce que c'est une énergie de nettoyage, vous pouvez tout simplement pulvériser de l'eau sur quelque chose que vous voulez nettoyer, parce que là, c'est votre intention d'utiliser cette énergie qui va faire le boulot. Donc évidemment, on en a déjà parlé, prendre une douche avec l'intention que l'eau nettoie vos énergies, c'est une bonne manière déjà de nettoyer vos énergies. Le bain avec ou sans gros sel, mais aussi avec ou sans plantes, vous pouvez très bien balancer une branche de romarin dans votre bain. Et bien de la même manière, pour un espace, vous pouvez créer vos petites eaux purifiantes. Et cette brume, en plus d'avoir une bonne odeur, c'est une brume de nettoyage énergétique. Moi, quand on parle de nettoyage, j'ai un autre outil que j'aime beaucoup, même si je n'utilise pas des masses, mais j'aime beaucoup la symbolique de l'outil et je trouve que c'est peut-être l'un des primordiaux, c'est le putain de balai. C'est vraiment la quintessence du nettoyage de base, en fait. C'est vrai, et c'est vrai que je l'utilise peu aussi. Mais à notre époque, aspirateur. Ouais, c'est ça. Alors que même parfois en passant l'aspirateur, ce geste de va-et-vient me fait d'un coup percuter au nettoyage énergétique, pour le coup, de ce que je suis en train de faire. Ouais, mais c'est vraiment ça. Je trouve que l'aspirateur, il aspire. Hein. Waouh ! Waouh, Tony, c'est brillant, ça ! Que le balai, t'as vraiment ce mouvement où tu chasses les énergies. T'as vraiment ce truc où tu vas les évacuer. Le balai, c'est une continuité de ce que nous, on est en train de faire. Il y a une intention permanente. Il y a une intention permanente. Il y a un geste qui va se faire dans un sens plutôt qu'un autre et qu'il soit intuitif ou conscient. Il signifie un truc au moment où on utilise le balai. Et ça me fait penser, du coup, à un autre outil, entre guillemets, c'est nos mains. Parce que physiquement, on utilise beaucoup nos mains et on utilise, quand on fait des nettoyages énergétiques, ce mouvement de balayage aussi. Oui, complètement. Si vous avez déjà reçu des soins énergétiques et qu'à un moment, vous avez ouvert un œil pour regarder ce qui se passait, c'est des mouvements que vous pourrez voir quasi systématiquement. On chasse et on amène avec ce mouvement de main jusqu'à l'extérieur. Vous pouvez compléter vos nettoyages, peu importe la méthode, en allumant une bougie. Allumer la bougie, c'est vraiment l'idée de ramener de la lumière sur les ombres. Donc si on part du principe que le feu de la bougie est une énergie à haute vibration, c'est cette haute vibration qui, présente dans la pièce, éloigne les basses vibrations ou alimente les basses vibrations pour les remonter. Ouais, et puis je pense que ça rappelle aussi à l'épisode qu'on a fait sur le feu, sur le fait que le feu est libérateur d'énergie. Et que ça, c'est un super outil pour purifier de manière un peu brutale. Mais par exemple, passer un objet au feu pour vraiment, vraiment cramer les énergies existantes. Et du coup, d'autant plus intéressant de faire circuler l'air après. Parce que, comme tu le dis, ça ne se perd pas, ça se crame et ça se diffuse dans l'air. L'énergie feu, elle vous aura pulvérisé le truc, mais ça reste en suspension là, quelque part. Voilà, tout ça, c'est les méthodes de nettoyage qu'on vous a proposées. Ce qu'on a un peu dit en filigrane aussi, c'est Nettoyer, c'est bien. Repenser à la suite tout de suite, c'est mieux. Vous nettoyez votre lieu, vous nettoyez votre corps. Ça vous permet d'avoir un nouveau départ sur une suite à donner, mais ne négligez pas aussi la préparation de justement des nouvelles énergies que vous voulez apporter. Disons qu'il ne faut pas forcément envisager le nettoyage énergétique comme une pratique début et fin en soi. Le nettoyage énergétique, dans l'idée, c'est mieux si vous le pensez comme la première étape d'un changement d'énergie. C'est je veux modifier les énergies d'un lieu, alors souvent pour les améliorer, hein, améliorer vos propres énergies ou les énergies d'un lieu. Ça passe par étape 1, nettoyage. Étape 2, recharge en conscience avec ce que j'ai envie d'insuffler comme énergie de remplacement ou d'amélioration. Je réfléchissais, est-ce qu'on a des techniques de nettoyage dont on n'a pas parlé parce qu'en fait on les aime pas? Je viens de me dire ça, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Là, il y en a pas qui me viennent, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres. Justement, si vous avez déjà entendu, lu ou que vous pratiquez un nettoyage énergétique dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour ouais. qu'on puisse revenir dessus. Parce que c'est probablement quelque chose qu'on n'utilise pas, soit pas oui. parce qu'on l'aime pas, soit parce qu'on le connaît pas, et oui. ça pourrait être intéressant que on fasse notre petit avis dessus et qu'on le repartage. On vous l'a dit, on fera des épisodes avec des questions-réponses de ce qu'on reçoit dans les messages privés ou dans les commentaires sous les épisodes. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a vraiment un truc qui vous paraît à vous évident comme pratique et qu'on n'a pas du tout évoqué ici. Ouais, parce que je me dis, par exemple, tu vois, il y a les petits chaudrons. La nana, de mémoire, elle est originaire des Balkans, je crois. Et du coup, je pense que typiquement, elle doit avoir des techniques qui viennent des Balkans. Moi, oui. J'ai pas forcément ça, donc je pense que chaque sorcier a ses traditions aussi. Ouais. Donc ça va être passionnant à regarder un peu ce que les gens font de différent, parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'on partage nos trucs avec notre vision de nous, on est né en France, moi j'ai des origines portugaises, mais voilà, on reste quand même dans la même sphère, on va dire, très européenne, mais du coup, voilà, comme la sauge, tu vois, elle va être plus utilisée, la sauge blanche, elle va être plus utilisée en Amérique, par exemple, c'est pas forcément une culture qu'on a, et pour autant, aujourd'hui, elle est vendue c'est un outil dans, qu'on... Tous, oui. les, dans tous les natures et découvertes, dans tous les... Voilà. Donc c'est qu'il y a quand même une transversalité à un échange culturel sur les pratiques, ce qui est passionnant en fait. C'est ce qui permet d'enrichir une pratique magique avec les outils ancestraux, ils sont ancestraux de quelque part, mais c'est parce qu'il existe cette ancestralité dans l'usage qu'on est capable de s'approprier des nouveaux outils, parce que leurs vertus, leurs pratiques sont connues depuis des millénaires ailleurs, mais du coup ça leur donne une validité partout. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci Charline. Merci Tony. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite évidemment un bon nettoyage énergétique. On est dimanche, n'est-ce pas le bon moment de nettoyer votre maison ou même vos énergies pour mieux attaquer la semaine suivante. Hein. C'est clair, c'est pas mal de nettoyer avant une nouvelle semaine. Comme ça, tu recommences avec un... Oui, ça peut être un rituel qui peut vous aider. Si vous avez... un boulot dans lequel c'est parfois compliqué, un nettoyage le vendredi soir pour laisser tout ça dehors et profiter de votre week-end, c'est quelque chose que vous pouvez réfléchir. Écoutez, nous on vous souhaite un bon dimanche, une belle nouvelle semaine, et puis à bientôt. À très bientôt.